Lee Chung-yong, nouvel ambassadeur coréen, a présenté le 26 janvier ses lettres de créance au président guinéen Alpha Condé. Il a transmis respectueusement les salutations du dirigeant suprême Kim Jong-un et de Kim Jong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême. Le président guinéen en a exprimé sa profonde gratitude et prié l'ambassadeur de transmettre au dirigeant suprême ses salutations cordiales. Il a souhaité santé et bonheur au dirigeant suprême coréen et affirmé que le gouvernement et le peuple guinéen développeront encore plus à l'avenir aussi les relations d'amitié entre les deux pays.